Parle-moi des profs armés. Il y a une série de documentaires dans le Journal de Québec. On voit des profs aux États-Unis qui suivent des cours de maniement d'armes et qui rentrent à l'école avec des armes. Mais c'est très intéressant comme phénomène, parce que regarde ce qu'on a fait avec la Polytechnique. Regarde ce qu'on a fait au Québec quand on s'est aperçu qu'il y avait des fous armés. On a désarmé tous les gens honnêtes. Oui. OK? Donc maintenant, il n'y a plus que les fous et la police qui soient armés. Il y a juste les méchants. Les bandits et la police. Raison. Aux États-Unis, ils ont eu le réflexe exactement inverse au nôtre. Ils se sont dit, si les fous sont armés, il faut que nous aussi, on puisse les arrêter. Et fais juste penser, Sylvain, à une petite hypothèse que personne n'ose soulever parce que ça culpabilise et un paquet de monde. Si un seul gars à la Polytechnique avait été armé. Ouais. Un seul. Est-ce que Marc Lépine en aurait tué tant que ça? Évidemment, la réponse, on la saura jamais, mais l'hypothèse, non. Elle est très bonne. Il y a une possibilité que personne peut nier qu'il y a eu moins de victimes. Et nous, on a eu le réflexe de désarmer tout le monde, sauf évidemment ceux qui acquièrent leurs armes de façon illégale. Le résultat, c'est qu'on est plus vulnérable que jamais et qu'on se cache sous les bureaux quand il y a quelque chose de fou qui arrive. Et aux États-Unis, dans certains États, pas partout, ils ont eu le réflexe exactement inverse. Si les méchants sont armés, les bons doivent l'être aussi. Et moi, j'ai déjà fait un débat, là, juste que quand je dis ça, moi, que ça me dérange pas qu'il y ait des profs armés, le monde capote, mais là, j'ai parlé aux gens de la commission scolaire ici à Québec, parce que ça a l'air qu'ils ont un plan, si jamais il y a un tireur armé, oui. S'en vient chez eux, ça, tu sais quoi? C'est de demander à tout le monde de se mettre en dessous du bureau, puis de mettre un panneau de carton dans la fenêtre. Oh! Grosse défense! Oui. Un carton dans la fenêtre, hey boy! Et ils ne peuvent sortir, ils ont fait des exercices comme ça dans des écoles. Oui. Ils ne peuvent sortir du local que lorsque quelqu'un en autorité leur fait un signe qu'ils sont seuls à connaître. Ouais. OK? Mais moi, je préférerais 100 fois qu'il y ait un gars. Il rentre dans c'est vraiment la tortue qui rentre dans sa carapace en espérant que l'agresseur n'a pas un crochet pour aller chercher. T'en plais ça. Mais moi, je vois pas le mal. D'ailleurs, quand ils ont fait le débat aux États-Unis, j'ai aimé la réplique. Barack Obama était contre ça. Il veut pas que les profs s'arment pour défendre les enfants. Puis quelqu'un, il a répondu, tes enfants à toi, Barack Obama, quand ils s'en vont à l'école, il y a des gardes du corps qui les suivent? Est-ce qu'ils sont armés? La réponse, c'est oui. Puis je trouve ça bien normal. Évidemment, vous allez dire, les enfants d'Obama sont plus ciblés que les enfants des écoles. Je m'excuse. Il n'y a jamais un enfant de président qui a été attaqué, alors que des tueries dans des écoles, c'est concret. Il y en a. Oui. Alors, pourquoi pas se protéger? Et l'idée d'armer tous les profs me semble un peu folle. Alors, je suis d'accord. Mais l'idée de permettre que dans une école, il y ait un ou deux professeurs dont on a testé évidemment le psychisme, oui, et oui. Qui sont armés, je trouve pas ça si fou que ça, moi. Je m'excuse, Sylvain, mais je me pose toujours la question. D'accord avec toi. Et si, à Polytechnique, il y avait eu un individu, un seul gars armé? Je me pose parfois aussi la question si tout le monde s'était garoché sur le tueur en même temps. Mais c'est plus hasardeux. Mais les profs interrogés... Un gars armé. Mais les profs interrogés... Est-ce qu'on aurait eu ce gâchis? Les professeurs interrogés, par exemple, sont pas pour. Ils veulent pas être armés, mais ils veulent des gardiens de sécurité armés, eux autres. Oui, mais ça, t'as le corporatisme syndical qui embarque, là. Ouais, mais là, non. C'est lui, ça va être lui, mais... Moi, si ça m'arrive... J'ai plus de jobs et plus de membres pour mon syndicat. au moment même où un tireur fou se présente dans votre école, si vous êtes un prof, auriez-vous... Est-ce que vous aimeriez, à ce moment-là précis, avoir une arme? Moi, je suis sûr que tout le monde dirait oui. Mettons, là, au moins pour essayer. Je sais qu'il n'y a pas de solution magique. Puis peut-être que ça aidera pas, mais au moins, t'essaies. Mais Sylvain, ça sera pas chez nous, mais je trouve assez fascinant la différence de réaction. La nôtre, on rentre dans notre coquille. La leur, c'est les maudits méchants, on va avoir leur peau. Exact. Et si les citoyens méchants, comme tu dis, ont le droit de s'armer, pourquoi pas les citoyens gentils, disons ça de même, pourquoi pas? Et c'est ça la théorie, hein. C'est la grande théorie qui mène au débat sur les armes aux États-Unis. C'est qu'ils ont dans leur constitution le droit d'être armés parce que quand on a développé ce pays-là, on pensait qu'un citoyen armé, c'était aussi un citoyen qui défendait les valeurs. C'était quelqu'un qui pouvait empêcher qu'un dictateur prenne le contrôle. Exact. À l'origine. Hey, merci Myriam. On se reparle demain. 6h42. Vous n'aurez pas mes mains de... Au Québec, jamais en 100 ans, on n'en est pas là, mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, dans chaque école, il y aurait un ou deux professeurs armés, formés, avec un cours, comme aux États-Unis, là. tu leur apprends à tirer, tu vérifies le profil, ça se fait là. On a des policiers armés, les gardes du corps de tous les ministres sont armés pour protéger les enfants, leur famille, à eux. Ils acceptent qu'il y ait un gun, puis ils se passent pas la fin du monde. Mais quand c'est pour les anciens drones, pour leurs enfants à eux, c'est normal qu'il y ait des gardes de sécurité armés. Mais pour les enfants des autres, non, ça vous tenterait pas, peut-être, comme tu le disais, peut-être pas un prof, peut-être un gardien de sécurité, ouais, quelqu'un, mais je pense que ça peut décourager. Évidemment, on le saura jamais, parce que si la personne est découragée, le tireur fou, puis passe pas aux actes, ben c'est enregistré dans aucune stats. Mais c'est avec une facilité déconcertante que les tireurs fous, aux États-Unis puis ici, ont réussi à entrer dans les écoles. Mm, oui. Ça a toujours été facile. Et ça, j'imagine que les éventuels tueurs en série, les candidats à ça, ceux qui pensent à ça, les tueurs dans les écoles, pardon, ils savent cette donnée-là. La journée qu'il y en a un ou deux qui va se faire tirer. Alors, j'ai discuté avec des amis autour de moi qui enseignent au secondaire notamment, puis eux autres, ils ont des formations pour le fameux, ce qu'on appelle le lockdown. Hein, c'est comme ça que s'appelle la procédure où est-ce que... Ils s'enferment. Ouais, c'est ça. On s'enferme, ce dont Myriam parlait, on barricade, bravo, on ferme tout, puis on attend que la... C'est comme ça le lockdown, et ça a permis aussi, cette manœuvre-là, sauver la vie de plusieurs enfants, notamment à ce qui est arrivé à Newton. Mais eux autres, juste de pratiquer cette manœuvre-là, c'est hautement stressant, puis l'idée pour eux autres d'avoir des armes qui sont... à la portée, veut pas, en quelque part dans la classe, puis tu sais, est-ce que tu veux être le professeur qui aura à gérer l'arme à feu à un moment donné, ou à l'année longue, même s'il se passe jamais rien? Il y en a qui voudront pas, je sais, mais... C'est ça, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus en faveur d'avoir des gardiens de sécurité qui sont à l'aise avec les armes, puis qui savent comment le manier, puis tu sais... En tout cas, tout est mieux que leur stratégie actuelle. Parce que les gardiens de sécurité vont permettre... Il y a un tireur fou qui rentre dans l'école, faites pas de bruit, arrêtez de parler en dessous des bureaux, bon, même petit carton dans... Et sûrement, quand on va voir la nouvelle, le tireur fou est rentré dans telle école, il a trouvé personne. Il était caché en dessous des bureaux, il les a pas vus. Il les a pas vus, il est reparti. Ben oui, bonne chance. 6:44.